Pourquoi vous lancez cet appel? On rappelle que ESA Caraïbes, c'est une association loi 1901, créée, je crois, il y a 10 ans, hein, c'est ça, à peu près, qui met en œuvre, créée il y a 10 ans, et elle met en œuvre des projets de développement individuel, collectif, autour de la famille, de l'enfant, dans une logique de développement socio-économique durable et durable. Alors, des actions de coopération, de solidarité en faveur de l'enfance, des populations vulnérables de la Caraïbe. Par exemple, l'an dernier, en 2020, vous avez fait un accueil, un accompagnement de jeunes patients des îles voisines de la Dominique, de Sainte-Lucie et Saint-Vincent pour des soins en cardiologie ou des traitements contre le cancer au CHU de Martinique. Hein, voilà. Ou autre exemple, l'an dernier, cette semaine annuelle d'acupuncture au centre de santé justement de la ville de Thiot en Haïti. C'était en mars 2020 pour plus de 400 consultations dispensées à la population. Et puis là, donc, Patrice Le Faucheur, vous vous portez au chevet de familles très durement sinistrées au sein de populations paysannes. Des familles donc, qui se retrouvent, après ce violent tremblement de terre, qui se retrouvent dans beaucoup de cas sans logis, sans maison. Oui, tout à fait. Tout à fait, oui. C'est dans la région de l'asile, donc très proche de l'épicentre, avec le docteur Cassamajor, qui est un des piliers de l'action des Acaraïbes en Haïti depuis des années, qui est un pédiatre, une femme extraordinaire, et qui connaît très bien la région pour y effectuer régulièrement des missions médicales, et qui est sur le terrain et qui, avec des associations locales, a déjà recensé une 150 familles. Alors c'est en une zone rurale, avec de l'habitat dispersé, qui va mettre beaucoup de temps à recevoir de l'aide. Donc nous avons souhaité être vraiment au plus près de ces populations avec cette action. Donc nous avons lancé une collecte financière à la Martinique pour pouvoir aider au financement de cette aide qui va arriver à ces familles directement. Alors, on va y venir. On va y venir, mais avec ESA Caraïbes, donc il y a eu un premier envoi d'aide d'urgence, hein, pour ainsi dire, qui a été acheminé vers la ville d'Ecaille dès le lendemain du séisme. Mais là, il s'agit encore d'autre chose. Maintenant, il s'agit de reconstruire, en fait, de pouvoir donner à ces familles à nouveau de quoi pouvoir s'abriter. Alors, dans les tout premiers jours, on est vraiment sur de l'urgence. Hein. Donc ça va être les aider à passer le premier cap. Donc ça va être de l'aide alimentaire, ce sont des produits d'entretien, des bâches, parce qu'avec la pluie, avec les maisons incertaines et les réplites qui continuent par dizaines, voire par centaines, ces gens ne peuvent pas retourner dans leur maison. Donc c'est plus une aide temporaire là pour une semaine, les aider à passer le cap. Après, on envisagera des actions pour la reconstruction et à plus long terme. Mais là, on est vraiment dans la phase d'urgence. Encore dans la phase d'urgence. Ah oui, d'accord. Les premiers jours, oui. D'accord. Donc, il s'agit de venir en soutien à travers votre association ESA Caraïbes à 150 familles qui se trouvent en zone rurale, dont les maisons ont été soit partiellement ou totalement détruites, quoi. Hein, c'est ça. Alors, on est vraiment très proche de ce qui centre. Donc là, les 150 qui ont été recensées sont celles dont les maisons ont été vraiment détruites. Il y a de tout, mais là, ce sont 150 familles sur 4 ou 5 communes qui ont été recensées par les associations de jeunes, par la fondation de la Maison du Sourire, donc qui est la fondation de Dr Cassamajor, notre partenaire sur le terrain. Et voilà. Et donc ces maisons-là, on aura une base à côté de la ville de l'asile, et puis il y aura des distributions qui vont être faites auprès de ces différentes maisons dans les campagnes autour de l'asile. D'accord. Alors directement vous, auprès de ces familles. Voilà, c'est ça, directement auprès de ces familles. Et on va y venir justement, parce que alors vous lancez cet appel, hein, à un soutien, donc qui peut être soit, alors qui vous est adressé à ESA Caraïbes, soit des dons par chèque, hein, à l'ordre de l'association, soit on peut faire les dons en ligne via une cagnotte. Alors expliquez-nous et dites-nous comment ceux qui donnent sauront que ce qu'ils ont donné est vraiment allé très directement à ces 150 familles paysannes d'Haïti qui se retrouvent sans abri, sans logement. D'accord. Alors déjà pour donner, donc sur le site de l'association esa-caraibes.fr, on peut le trouver aussi sur Facebook. Nous avons donc les indications pour le don par chèque à l'adresse de l'association, donc je peux leur donner ESA, boîte postale 1196 97-249 Fort-de-France FedEx. On trouvera tout ça sur le site. On a aussi on peut aussi télécharger le RIB si on veut faire un virement. Ou on peut aussi directement en ligne, à travers la cagnotte et le WASU, faire un don à l'association. Tous ces dons qui vont être reçus dans cette période seront intégralement reversés à l'action qui sera menée en Haïti. Les membres déjà sont bénévoles, ceux de l'association Maison des Sourires en Haïti aussi. Il n'y a aucune retenue pour des frais quelconques de fonctionnement. C'est une certitude. Ensuite, au niveau des comptes rendus, comme ESA a toujours travaillé, hein, ce sont des rapports photos, ce sont des listes des bénéficiaires auxquels sont remis ces aides, ce sont des rapports financiers qui sont produits systématiquement après chaque action de l'ESA Caraïbes. De plus, on ne travaille pas avec des intermédiaires. On travaille avec le docteur Catamajor qui fait partie des AA Caraïbes et qui est présente sur le terrain. Très bien. Il n'y a pas d'intermédiaire dans cette aide qui serait remise à des gens que nous ne contribuons pas forcément. Entendu. Merci Patrice Le Faucheur, voilà. Président de SA Caraïbes, d'avoir répondu à nos questions. Oui, alors on rappelle donc le site internet, l'adresse, c'est esa-caraïbes.fr. Hein. Voilà, tout à fait. On peut aussi trouver via Facebook. Et voilà. Encore merci beaucoup. Et Haïti a besoin de nous, a besoin de votre soutien. On ne va rien pas. Hein, merci beaucoup. Entendu. Merci. Bon courage. À bientôt.